On est perdu dans ce monde, la terre a décéléré. A-t-on atteint ses limites, sommes-nous censés l'aimer? Lorsque le vide nous félicite, il n'y a vraiment plus grand chose à célébrer. Perdu dans ce monde, on fait y'a 4 OCP. Vague à l'âme obsédée, la prime à côté d'elle. L'esprit est possédé, car centaines de rafios à bord desquels. On est perdu dans ce monde, la terre a décéléré. A-t-on atteint ses limites, sommes-nous censés l'aimer? Lorsque le vide nous félicite, il n'y a vraiment plus grand chose à célébrer. Perdu dans ce monde, on fait y'a 4 OCP. Vague à l'âme obsédée, la prime à côté d'elle. L'esprit est possédé, car centaines de rafios à bord desquels. Je me sens perdu dans ce monde. Pris comme un flocon dans l'avalanche, je pèse rien dans la balance, préfère être là les bras ballants. On a brûlé tant d'étapes, défiant les astres, détruit tant d'hectares, méprisant les lois. Bien sûr qu'elle est malade, frère, la terre se meurt pendant qu'on se pose dans nos canapes. Bientôt c'est le turf, on mariera des automates, y'aura des cybercuffs, mais personne pour stopper le massacre. Ouais, je vais craquer comme une podcast, sachez que des flammes de la boca, les dés sont lancés, ma mène, et je peux pas fuir cette époque crade. Quand la Uber dans ma tête, les mots se mélangent. Un iceberg au milieu de l'océan, posé en deux doutes et d'angoisse, à chasser le blues qui repasse, acharné pour tiquer, passe à la veuf, frapper à l'horizon. Ils ont troublé l'aspect de ma vie, l'avenir une porte. J'ai pas trouvé la clé, je navigue l'œil sur un bordel. La terre a décéléré, je pense à la suite, les frais, conscience incinérée. L'homme est décérébré, trop de ce vice est réel, l'esprit sonné, bonheur éphémère. Je vois qu'en fait on s'enterre, et c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, les miens sont mauvais, pire qu'un poteau qui bâche. Faudrait vous affoler, gros, y'a le navire qui se crache. On a pollué l'océan bien avant les ricas. On est perdu dans ce monde, la terre a décéléré. A-t-on atteint ses limites, sommes-nous censés l'aimer? Lorsque le vide nous félicite, il n'y a vraiment plus grand chose à célébrer. Perdu dans ce monde, on fait y'a 4 OCP. Vague à l'âme obsédée, la prime à côté d'elle. L'esprit est possédé, car centaines de rafios à bord desquels. On est perdu dans ce monde, la terre a décéléré. A-t-on atteint ses limites, sommes-nous censés l'aimer? Lorsque le vide nous félicite, il n'y a vraiment plus grand chose à célébrer. Perdu dans ce monde, on fait y'a 4 OCP. Vague à l'âme obsédée, la prime à côté d'elle. L'esprit est possédé, car centaines de rafios à bord desquels. Je me sens perdu dans ce monde. Ici pas tout par c'est l'anarchie, je suis qu'un rouage de la machine. Dans le brouillard je fais de la magie. On m'a dit méfie-toi tes mirages et tes visages. J'attends pas de miracle, évidemment que je vais la vie de sage. J'entendais wesh il est bizarre. Sur celle-là je veux pas parler, l'espéranto même la mine craque. Constat minable, rien qu'est-ce pour la victoire. Tout se part au port air, ce monde tente par en sur la vie d'Ouam. Noyé dans la mélasse, la conscience prise dans la glace. Vu la crise qu'on subit, on sera fauché d'ici que ça passe. Je vois que le monde n'a pas de face. Je veux pas mieux que les autres. Comme un dans la masse, je paye le prix de mes fautes. Ouais, les miens sont bizarres, les yeux plissés, je vis ça. Balayoc des règles qu'ils établissent pour nous trigger. Je maudis le son du tic-tac et de mon réveil à chaque part. On a fini dans un virage, on a cramé la net. Mon âme est quasi pure. J'ai autre chose à foutre que remplir un casier, tu vois. J'suis désemparé, ça se ressent dans des sons pareils. Check la haine est pérenne, ouais, j'attends que la pérenne. On est perdu dans ce monde. J'sens pas la victoire, ça pue la défaite. Fumer, ça fait plus d'effet, essayer, ça prend trop la tête. Du père comme un insecte ici, trop invectif. J'm'auto-détruis, j'vois qu'on dérive. Perdu dans ce monde.